Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on vous embarque dans un van, ou presque, direction la Varenne sous Chandon à Amboise pour parler de la deuxième édition de la manifestation Tous dans le van, un événement qui mêle vélo, art et nature, le tout dans une ambiance champêtre au bord de l'eau, à vivre en famille ou entre amis. Et pour en parler avec nous, une fois n'étant pas coutume, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Fisson, adjoint à la culture de la ville d'Amboise, qui vient très régulièrement nous présenter les programmations proposées par le service. Bonjour Lionel. Bonjour Marlène. Alors pour commencer, rappelez-nous d'où vient cette idée de Tous dans le van et qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors l'idée de Tous dans le van, c'est vraiment de pouvoir avoir un moment familial, festif, où on va embarquer les gens, parce que c'est ça l'idée du van, on embarque les gens, donc tous dans le van, et donc autour des trois mots que tu as évoqués juste avant, vélo, art, nature. Donc voilà, c'est de faire une grande fête autour d'un endroit assez préservé, qui est très naturel, à la Varenne sous Chandon, autour de l'étang, pour célébrer la biodiversité, la mobilité douce, et aussi comme vecteur un petit peu pour transmettre les choses, l'art, sous différentes dimensions, et puis pour donner un côté animation, festif, à l'ensemble. Donc cette année, c'est la deuxième édition. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des temps forts à ne pas manquer pour ce 29 juin? Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ce sera le dimanche 29 juin. Alors oui, effectivement, on a ça c'est déjà une première nouveauté. On a mis la fête le dimanche. L'objectif, c'est de pouvoir toucher les familles. On sait que c'est une période où il y a beaucoup de kermesses. Et en général, les kermesses, c'est soit le vendredi soir, soit le samedi. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça le dimanche. Donc pour permettre aux familles de pouvoir venir le dimanche après-midi. Et par rapport à l'année dernière, cette année, on peut le faire en juin, puisque normalement, c'est une fête qui était plutôt fin juin, juste avant les grandes vacances, comme on dit. L'année dernière, on l'a maintenu, mais on était obligé de le faire pour différentes raisons. C'était lié notamment à la dissolution après, au mois d'octobre. On reste un peu sur le même principe. On va avoir des associations, on va avoir des conférences, mais aussi des activités culturelles, des animations proposées toute l'après-midi pour vraiment une fête ouverte à tous, familiale, pour les plus petits, mais aussi pour les grands. Il y aura de quoi passer une très bonne après-midi pour tout le monde. Alors justement, cette manifestation, elle met l'accent sur le vélo, l'art et la nature. Comment ces trois axes vont se traduire concrètement sur le terrain ? Alors déjà, la première chose, c'est que le meilleur moyen d'aller à la Varenne, c'est quand même d'y aller par exemple à vélo, en passant par la Loire à vélo, voire à pied, c'est un tout petit peu plus loin. Après, il y a un petit peu de parking à proximité, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, l'idéal, c'est déjà de pouvoir y aller via une mobilité douce, celle qu'on préfère. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, il va y avoir, pour le coup aussi, comme je disais tout à l'heure, des conférences qui vont tourner autour de thématiques, de la biodiversité, de l'environnement. Deux conférences qui sont prévues cette année. Donc une sur les jardins thérapeutiques et puis une autre sur le pain-vin. Pain-vin. Mélange entre le pain et le vin. Ça sera à 14h et 17h. Et puis, il y aura des stands avec des associations qui seront présentes et qui font pour un certain nombre d'entre elles, pour pas mal d'entre elles, des animations pendant toute l'après-midi. Et qui mettent en avant justement notamment toutes ces thématiques vélo, nature. On a la Maison de la Loire qui qui présente une animation sur les castors. On aura le syndicat du bassin de la Masse, de notre rivière Amas, qui présentera des éléments sur la découverte du milieu aquatique. Il y aura une présentation de l'Atlas de la biodiversité qui a été notamment portée par la CCVA. Et relayée sur Radioactive chaque mois. Tout à fait. Chaque étape. SOS Martinet aussi sera présent et fera des propositions de jeux, films, etc. On aura aussi sur la partie mobilité, la Maison de l'Europe qui nous fera une exposition autour de la mobilité. Et après, bien évidemment, il y a toute une dimension animation et une dimension culturelle pour faire un événement complet. Culturel et artistique d'ailleurs. Tout à fait. Quelles sont les compagnies qui seront présentes et qu'est-ce qu'elles vont nous proposer cette année puisqu'il y a place toujours au spectacle et à l'art ? Tout à fait. Alors déjà, une nouveauté par rapport aux années précédentes, on aura des artistes, notamment de l'association des artistes en Val d'Amboise, qui seront présents et donc qui exposeront. Il y aura une petite partie, on va dire, du village de Tous dans le Van qui sera consacrée à des expositions d'artistes, alors plus autour des thématiques nature. Mais voilà, il y aura des artistes qui seront présents. Derrière, donc, au niveau des spectacles, on a à la fois donc, le théâtre de la Tête Noire. Alors ça, ce sera pendant toute la durée, de 14h à 18h, quasiment toute la durée de l'après-midi. Les chaises, donc les chaises, c'est 5 chaises qui seront à disposition du public, donc sur lesquelles on peut monter et qui permettent d'être, c'est des chaises qui sont un petit peu particulières quand même, hein, dans leur et qui nous font aller en apesanteur. Découvrir des sensations un peu différentes. Alors moi, j'avoue que même en voyant la photo, j'ai pas compris le principe, mais c'est une curiosité à découvrir, à mon avis. Voilà, mais en fait, on monte sur une chaise et c'est une chaise qui va nous faire nous balancer et nous retrouver un peu en l'air. Et voilà, il y a un côté en plus, c'est des beaux objets, si on aime bien ce type un peu de ouais, il y a un côté artistique aussi dans ces chaises. Donc ça va être une animation pendant toute l'après-midi. On a une deuxième animation aussi qui se fera à deux moments dans l'après-midi, donc à 14h et 17h. On aura donc le tour du monde en ballon. Et donc c'est un manège écologique. Donc là c'est l'atelier de la voûte. Donc pour le coup qui permettra à des enfants de monter dedans et puis de profiter d'une forme de spectacle au travers de ce... manège. Qui permettra de découvrir les grands éléments comme l'eau, le vent, ouais. La terre, et c'est en musique. Tout à fait. Donc c'est un manège écologique, mais c'est pas un manège où les enfants vont faire du manège toute l'après-midi. Hein. On est plutôt sur un manège écologique, donc les enfants peuvent rentrer à l'intérieur, et puis on peut regarder aussi à l'extérieur ce qui se passe, et c'est un peu plus un spectacle en fait, qui se déroulera donc première session à 14 et une deuxième à 17, avec un côté participatif, puisque les enfants vont dans le manège. Ça, je pense que ça sera vraiment quelque chose de très sympa, puisque on a à la fois un public qui est autour et puis quelque chose de pour les enfants de participer au spectacle, c'est toujours un plus. Et puis la compagnie Après l'orage. Tout à fait, qui présente L'orée du réel. Donc là, on est sur un spectacle alors qui sera à 15h. Donc pour le coup, avec une jauge qui n'est pas énorme, donc il faudra pouvoir venir à ce moment-là. Hein. Mais avec des gens qui vont déambuler dans la forêt, on a même sur les arbres. Et donc c'est tout un spectacle. Là, on est vraiment autour de la thématique nature. On est en pleine nature à plein, là, hein, clairement. Alors on cherche quand même, dans nos propositions artistiques, à être toujours sur des choses aussi en lien avec la thématique générale de Tous dans le Van, hein, sur des thématiques plus nature, souvent des spectacles qui ne nécessitent pas un côté technique très important, parce que ça nécessiterait de faire venir... Il n'y a pas d'électricité à la Varenne sous Chandon, donc il faut qu'on soit sur des formes légères qui ne nécessitent pas un appui technique très très important. Donc ça joue bien évidemment. Donc là, on aura un joli spectacle plutôt poétique, dans les arbres, donc à 15h, l'orée du réel. Et puis en fin d'après-midi, c'est le cluster Ensemble, bien connu localement, un collectif pluridisciplinaire de jeunes artistes. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Ils vont vous proposer forcément un concert. Chouette. Et donc avec convivialité, c'est un spectacle, bon, plus musique, c'est plutôt bossa nova pour la dominante, mais c'est vraiment la possibilité, oui, d'un concert très convivial. Pour une fin de soirée, chansons françaises, mais ils vont aussi sur d'autres thématiques. Hein, donc la chanson française, ils vont vers du funk, du shabby, du jazz, du rap, de la bossa nova. Enfin, c'est très très diversifié comme proposition. Et je pense que ça va être un beau concert qui rassemblera très largement un peu tout le monde, avec une proposition extrêmement intéressante pour chacun. Et derrière, il y a un petit DJ set, donc à partir de 19h. Donc on est plutôt sur une fin... vers la nuit, quoi. En général, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on mange sur place ? Ouais, il y aura des food trucks, notamment pour manger sur place. Et puis également aussi des animations plus, on va dire, sportives, entre guillemets, ou des animations complémentaires qui sont très importantes, notamment pour passer toute une belle après-midi, donc des tours de calèche. Donc ça marche toujours assez bien en général. En effet, ouais. Je ne l'ai pas vu sur le programme, voyez-vous, Lionel. Et ben voilà, comme quoi c'est un truc important. Je connais des enfants à qui ça fera plaisir de faire des tours de calèche. Sans doute. Et puis derrière, il y a aussi des initiations sportives, comme chaque année. C'est assez sympa aussi. Là, on est plus en général à côté de l'étang. Donc il y aura des initiations à la pêche, au canoë, la possibilité de faire du canoë, et également à l'hydrospeed à l'intérieur de l'étang. Moi, je l'ai fait l'année dernière, c'était au mois d'octobre, mais néanmoins, c'était plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt agréable, et même au mois d'octobre, on n'avait pas froid avec la combinaison. Alors après, je me baigne un peu froid, mais ça allait, quoi, franchement. Donc là, j'imagine que ça sera même, si on a des temps aussi chauds qu'en ce moment, ça sera probablement très très agréable. Un autre élément aussi peut-être intéressant, comme l'année dernière, il y aura un troc-plante qui sera organisé donc pendant Tous dans le Van, avec notamment les services de la ville qui proposent aussi voilà, des plantes qui peuvent être données, hein, puisque par définition on est dans le cadre d'un troc. Donc des gens peuvent amener des plantes et peuvent repartir avec, et il y a notamment les services des espaces verts de la ville qui sont partie prenante de la proposition de plantes. C'est super, très très bonne idée. On a évoqué le cluster ensemble, je vous propose qu'on les écoute. Ouais. Le cluster ensemble qu'on écoute dans un mix à retrouver donc le dimanche 29 juin à la Varenne sous Chandon. C'est parti. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, les mains qui courent, je n'en peux plus. Rouge dans un verre à pied, il n'y a que ta bouche qui me désaltère. L'ivresse ne me fera pas déraper dans mon jardin d'hiver. Il me restera quelques prières, l'envie de revenir en arrière, revoir se fermer ta paupière. Je veux que les heures deviennent des années, lentes comme un soleil de Méditerranée. J'aurais voulu pouvoir oublier, mais à ton souvenir je suis condamnée. L'impression d'avoir tout imaginé, que tout ça n'a jamais existé. Et de peur que tu l'emportes, je n'ose pas t'inviter dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. l'hiver. Et oui, on est dans l'ambiance avec le cluster Ensemble. Nous sommes toujours dans le MAG en compagnie de Lionel Chisson, adjoint à la culture à la ville d'Amboise, qui nous parle aujourd'hui de la manifestation Tous dans le Van le 29 juin. N'oubliez pas de faire une croix sur votre calendrier pour assister à cette manifestation qui réunit écologie, plaisir, ambiance champêtre, un moment à vivre en famille ou entre amis. Culture. Culture, bien évidemment, de l'art également. Tout à fait. Alors, l'événement, il se passe à la Varenne sous Chandon. C'est un lieu que les Amboisiens s'approprient de plus en plus, puisque ce n'est pas un lieu qui a été aménagé il y a si longtemps que ça, finalement. Pourquoi ce choix? C'est quoi l'importance de ce type d'événement à cet endroit-là? Après, l'idée, c'était vraiment de pouvoir aussi faire connaître le lieu, parce qu'un certain nombre d'Amboisiens ne connaissent pas le lieu. Il est un petit peu plus éloigné d'Amboise. Il est entre Amboise et Lussault. Hein. Sur l'île d'Or, on aurait pu le faire hein, sur l'île d'Or, hein, mais d'une certaine façon, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur l'île d'Or. Donc là, c'est parce qu'il y a un aménagement à la Varenne sous Chandon, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Ça reste quand même une zone très largement préservée et très largement naturelle. Et donc, c'est une façon aussi vraiment de préserver et de valoriser la biodiversité. On est in situ, comme on dit. Ça permet aussi, sur certaines activités, de faire des propositions. Par exemple, je pense à l'hydrospeed ou au canoë, ce serait beaucoup plus compliqué de le faire sur l'île d'Or, par exemple. Là, ça permet aussi de faire ces propositions-là. Puis ça permet d'avoir un écrin et de changer aussi d'endroit. C'est vrai qu'on fait pas mal de choses sur l'île d'Or à Amboise. Ça permet de valoriser ce lieu, de le faire connaître aux Amboisiens. On est sur la Loire à vélo, donc ça a du sens aussi par rapport aux mobilités douces et au vélo. Donc il y a vraiment pas mal de raisons qui font que ça nous a paru vraiment intéressant de continuer, puisqu'il y avait eu des choses déjà de faites, une opération un petit peu festive, mais qui a du sens. On voulait pas faire... L'idée, c'est pas de faire une fête pour faire une fête, c'est d'être sur quelque chose de familial, de festif, plaisir, comme on disait tout à l'heure, mais aussi avec du sens, parce que c'est l'occasion aussi de découvrir, via les stands, on en parlait tout à l'heure... Une démarche éco-responsable. Voilà, une démarche éco-responsable, et puis de valoriser la mobilité douce, de valoriser la nature en général, et ça, en le faisant agréablement, au travers de propositions artistiques, animations, pour faire que toute la famille puisse passer une bonne après-midi dans la nature. Et on n'a pas dit les horaires. À partir de quel moment on peut venir? Alors, on peut venir à partir de 14h. C'est vraiment sur l'après-midi. Donc, à partir de 14h, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques animations qui se lancent. Donc, on peut venir un petit peu avant. Hein, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, les chaises, ça commence à 14h. Et puis, la première session du tour de ballon, du tour du monde en ballon, c'est 14h. Ce sera peut-être un tout petit peu après 14h. Donc, en gros, on peut arriver un peu avant 14h. Et puis la dernière proposition, c'est 19h en début de soirée, avec une petite prolongation, on va jusqu'à la nuit à peu près, hein, en général, à cette période-là de l'année, donc autour entre 21h et 22h quoi, pour la fin. Donc voilà, dès 14h. C'est entièrement en accès libre? Alors c'est totalement gratuit, c'est important, oui, effectivement, de le préciser, on est sur quelque chose de totalement gratuit. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut apporter pour profiter à fond de sa journée? Moi, j'ai tendance à vous dire, on est sur une période assez chaude, donc on verra, hein, c'est encore dans quelques jours. N'hésitez pas, casquette, bouteille d'eau, hein, parce qu'il y aura de quoi se boire sur place, mais bon, l'eau, c'est quand même pas mal. Casquette, bouteille d'eau, crème solaire, pourquoi pas emmener avec vous quelque chose pour vous asseoir si à un moment vous êtes amené à vous asseoir dans l'herbe. Ça peut être pas mal. Et puis après... Même pour les animations qui sont plus dans l'eau, en général, il y a de quoi vous changer. Donc si vous vous dites « je vais peut-être faire de l'hydrospeed », vous allez quand même avoir une combi, mais vous allez quand même être mouillé à la fin. Donc ça peut être pas mal de penser à un change. Donc vous n'y allez pas avec vos habits, hein, vous y allez en combinaison. Mais pour le coup, voilà. Ouais, si vous voulez faire de prévoir. Ouais, si vous voulez faire de l'hydrospeed ou du canoë, on ne sait jamais. Si vous faites du canoë avec une bande de copains et que vous commencez à avoir envie de vous chahuter un peu... Avez des copains joueurs, alors. Ouais, mais ça peut être sympa en canoë. Et donc, il y en a qui peuvent finir à l'eau ou qui peuvent être quand même assez mouillés. Donc là, dans ces cas-là, si vous pensez aller sur ce type d'animation, pourquoi pas penser à des changes, donc plutôt... pour pouvoir après vous réhabiller avec des sous-vêtements secs si vous faites de l'hydrospeed. Et puis ça peut être l'intégralité si vous allez au canoë. Bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus de sauter du canoë si vous faites du canoë. Donc voilà, mais ça, c'est après à chacun de voir. Voilà, mais, de prévoir. Mais c'est vrai que pour l'hydrospeed, vous pouvez vous dire, si jamais je suis tenté en allant voir, si vous avez prévu, c'est quand même plus simple, quoi. Très bien. Ben, on rappelle que cette manifestation, Tous dans le van, elle aura lieu le 29 juin à partir de 14h, que tout est gratuit et il y a plein de choses pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette manifestation. Il y a plein d'autres rendez-vous sur l'été, évidemment. Ça fera l'objet d'une prochaine émission parce qu'il faut le temps de bien tout nous expliquer. En revanche, est-ce que vous pouvez nous donner les premières dates de début juillet ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc c'est vrai qu'il y aura une très belle saison, on peut le dire, hein. Culturel cet été à Amboise, porté par la ville, mais pas seulement, on aura l'occasion d'en reparler. Quelques peut-être événements qui viennent rapidement. Je vais citer un premier spectacle qui vient dès le 4 juillet à 18h. Et donc, c'est Le Grand Méchant Renard par la compagnie Jeux de Vilains. C'est un spectacle pour jeunes publics dès 4 ans, ça dure 40 minutes, et c'est au centre social MJC à La Verrerie. Donc c'est ouvert à tous, bien évidemment. Donc le 4 juillet à 18h, Le Grand Méchant Renard, c'est le premier spectacle de notre saison d'été. Donc il y en a d'autres après, mais on aura l'occasion d'en reparler. Par contre, deux expositions qui commencent assez rapidement, donc j'en dis deux mots. Okay. Le même jour, à la même heure, c'est dommage, mais c'est comme ça, on a le vernissage de la nouvelle exposition du garage, Vita Contemplativa. Donc c'est des artistes colombiens qui viennent et on est sur des artistes qui mettent en avant la possibilité de prendre son temps, la possibilité d'être beaucoup plus en phase avec la nature. Donc c'est une très belle exposition d'été qu'on aura au garage avec un commissaire. C'est une des premières fois qu'on a un commissaire, donc c'est quelqu'un qui a préparé les choix d'artistes, etc., etc. D'habitude c'est fait en direct par le garage, là on a un commissaire. Une commissaire, très exactement, Sandrine Prévost-Servant, qui a travaillé avec nous pour la préparation de cette exposition qui concerne donc le garage et des artistes colombiens ou franco-colombiens. Il y a 4 artistes et en fait, on a différents types de médias, de médiums. Donc on peut avoir de l'installation, on peut avoir de la peinture. Okay. C'est assez riche et assez varié. Avec 4, 5 même artistes, parce qu'il y en a... Il y en a qui sont en duo. Donc, une jolie exposition. C'est gratuit, le garage. Voilà. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, comme je dis toujours, faites-vous interpeller par les œuvres d'art. N'hésitez pas à poser des questions, parce que des fois, on a besoin de médiation. On a des gens, il y a Clémence, il y a Louise, qui sont au garage et qui peuvent vraiment vous expliquer ce que vous voyez. Parce que des fois, le fait qu'on vous explique, ça permet quand même d'avoir des clés de compréhension et de mieux appréhender. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis si ça vous plaît pas, ça vous a pas plu, c'est pas grave. Mais laissez-vous. Ça aura suscité quelque chose, quoi qu'il en voilà, soit. Voilà, laissez-vous déstabiliser. Soyez curieux, découvrez. Vous en sortirez toujours quelque chose d'intéressant. Et puis on a une deuxième expo qui elle commence le 5 juillet, donc à peu près à la même période aussi. Et qui dure une quinzaine de jours. La première exposition dont j'ai parlé, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, elle dure tout l'été. Okay. Donc elle va même jusque mi-septembre. Celle-ci, elle dure 15 jours, du 5 au 20 juillet. Et là, pour le coup, elle s'appelle Sublimation. C'est une exposition donc, dans l'église Saint-Florentin. Et c'est une exposition de photos avec deux artistes, Pierre Fuentes et Reya Van Aert, donc une artiste franco-néerlandaise. Qui donc présente des photos avec toute une mise en scène. Ça va être plutôt de quelque chose d'assez beau, d'assez esthétique, sur une thématique assez particulière. J'aurais du mal à définir totalement la problématique ou la thématique, parce qu'en plus c'est deux artistes qui se répondent, mais on est sur quelque chose de très léger, de très beaucoup dans les nuances. Je trouve que c'est vraiment des jolies photos et avec toute une mise en scène qui interpelle, qui peuvent toucher et qui ont aussi une vraie dimension artistique. Voilà, donc ça dure 15 jours, donc ne pas hésiter. Là, le vernissage, c'est le dimanche 6 juillet à 16h. C'est pareil, les vernissages, que ce soit au garage ou que ce soit à la Saint-Florentin, ils sont toujours ouverts à tous. C'est gratuit, donc faut pas hésiter non plus. Hein. Ça permet, alors, il y a le petit discours, un très rapide mot d'accueil des élus, mais ça permet aussi d'avoir les artistes qui sont là en général, et puis qui donnent quelques éléments un petit peu sur leur proposition, sur leur production, et ça c'est toujours intéressant d'avoir cet œil de l'artiste sur son travail. Ça éclaire aussi et c'est toujours très important. Absolument, je vous rejoins dans cette affirmation. Eh bien, merci beaucoup Lionel pour cette présentation enthousiasmante des activités d'été sur Amboise, non exhaustive évidemment puisqu'on se reverra. On vous rappelle que Tous dans le Van, c'est le dimanche 29 juin à la Varenne sous Chandon à Amboise à partir de 14h avec des animations artistiques, nature, sportives tout au long de la journée. Un événement gratuit, un événement éco-responsable et festif à ne pas manquer. Merci beaucoup Marlène. Merci Lionel, c'est la fin de ce mag, à très bientôt sur les ondes de Radioactive. Au revoir.